Le dessous de carte d'une partie de whist. Grand 1. Vous moquez-vous de nous, monsieur, avec une pareille histoire? Est-ce qu'il n'y a pas, madame, une espèce de tulle qu'on appelle de tulle illusion, à une soirée chez le prince T? J'étais, un soir de l'été dernier, chez la baronne de Mascrani, une des femmes de Paris qui aime le plus l'esprit comme on en avait autrefois, et qui ouvre les deux battants de son salon, un seul suffirait, au peu qui en reste parmi nous. Est-ce que, dernièrement, l'esprit ne s'est pas changé en une bête à prétention qu'on appelle l'intelligence? La baronne de Mascrani est, par son mari, d'une ancienne et très illustre famille, originaire des Grisons. Elle porte, comme tout le monde le sait, deux gueules à trois faces, vivrées de gueules, à l'aigle éployé d'argent, adextrée d'une clé d'argent, sénestrée d'un casque de même, l'écu chargé, en cœur, d'un écusson d'azur à une fleur de lys d'or. Et ce chef, ainsi que les pièces qui le couvrent, ont été octroyées par plusieurs souverains de l'Europe à la famille de Mascrani, en récompense des services qu'elle leur a rendus à différentes époques de l'histoire. Si les souverains de l'Europe n'avaient pas aujourd'hui de bien d'autres affaires à démêler, ils pourraient charger de quelques pièces nouvelles un écu déjà si noblement compliqué, pour le soin véritablement héroïque que la baronne prend de la conversation cette fille expirante des aristocraties oisives et des monarchies absolues. Avec l'esprit et les manières de son nom, la baronne de Mascrani a fait de son salon une espèce de Koblenz délicieux, où s'est réfugiée la conversation d'autrefois, la dernière gloire de l'esprit français, forcée d'émigrer devant les mœurs utilitaires et occupées de notre temps. C'est là que chaque soir, jusqu'à ce qu'il se taise tout à fait, il chante divinement son chant du cygne. Là, comme dans les rares maisons de Paris, où l'on a conservé les grandes traditions de la causerie, on ne carre guère de phrases. Et le monologue est à peu près inconnu. Rien n'y rappelle l'article du journal, et le discours politique. Ces deux moules si vulgaires de la pensée, au XIXe siècle. L'esprit se contente d'y briller en mots charmants ou profonds, mais bientôt dit, quelquefois même en de simples intonations, et moins que cela encore, en quelques petits gestes de génie. Grâce à ce bienheureux salon, j'ai mieux reconnu une puissance dont je n'avais jamais douté, la puissance du monosyllabe. Que de fois j'en ai entendu lancer ou laisser tomber, avec un talent bien supérieur à celui de Mademoiselle Mars, la reine du monosyllabe à la scène, mais qu'on eût lestement détrôné au faubourg Saint-Germain si elle avait pu y paraître. Car les femmes y sont trop grandes dames pour, quand elles sont fines, y raffiner la finesse comme une actrice qui joue Marivaux. Or, ce soir-là, par exception, le vent n'était pas au monosyllabe. Quand j'entrais chez la baronne de Mascrani, il s'y trouvait assez du monde qu'elle appelle ses intimes, et la conversation y était animée de cet entrain qu'elle y a toujours. Comme les fleurs exotiques qui ornent les vases de jaspe de ses consoles, les intimes de la baronne sont un peu de tous les pays. Il y a parmi eux des Anglais, des Polonais, des Russes, mais ce sont tous des Français pour le langage, et pour ce tour d'esprit et de manière qui est le même partout à une certaine hauteur de société. Je ne sais point de quel point on était parti pour arriver là, mais quand j'entrais, on parlait roman. Parler roman, c'est comme si chacun avait parlé de sa vie. Est-il nécessaire d'observer que dans cette réunion d'hommes et de femmes du monde, on n'avait pas le pédantisme d'agiter la question littéraire? Le fond des choses, et non la forme, préoccupait. Chacun de ces moralistes supérieurs, de ces praticiens à divers degrés, de la passion et de la vie, qui cachaient de sérieuses expériences sous des propos légers et des airs détachés, ne voyait alors dans le roman qu'une question de nature humaine, de mœurs et d'histoire. Rien de plus. Mais n'est-ce donc pas tout? Du reste, il fallait qu'on eût déjà beaucoup causé sur ce sujet, car les visages avaient cette intensité de physionomie qui dénote un intérêt pendant longtemps excité. Délicatement fouettés les uns par les autres, tous ces esprits avaient leur mousse. Seulement quelques âmes vives, j'en pouvais compter trois ou quatre dans ce salon, se tenaient en silence, les unes le front baissé, les autres l'œil fixé rêveusement aux bagues d'une main étendue sur leurs genoux. Elles cherchaient peut-être à corporiser leur rêverie, ce qui est aussi difficile que de spiritualiser de ces sensations. Protégé par la discussion, je me glissais sans être vu derrière le dos éclatant et velouté de la belle comtesse de Damnaglia, qui mordait du bout de sa lèvre l'extrémité de son éventail replié, tout en écoutant, comme ils écoutaient tous dans ce monde où savoir écouter est un charme. Le jour baissait, un jour rose qui se teignait en fin de noir, comme les vies heureuses. On était rangés en cercle et on dessinait dans la pénombre crépusculaire du salon comme une guirlande d'hommes et de femmes, dans des poses diverses, négligemment attentives. C'était une espèce de bracelet vivant dont la maîtresse de la maison, avec son profil égyptien et le lit de repos sur lequel elle est éternellement couchée, comme Cléopâtre, formait l'agrafe. Une croisée ouverte laissait voir un pan du ciel et le balcon où se tenaient quelques personnes. Et l'air était si pur et le Quai d'Orsay si profondément silencieux à ce moment-là qu'elle ne perdait pas une syllabe de la voix qu'on entendait dans le salon, malgré les draperies en vénitienne de la fenêtre, qui devaient amortir cette voix sonore et en retenir les ondulations dans leurs plis. Quand j'eus reconnu celui qui parlait, je ne m'étonnais ni de cette attention, qui n'était plus seulement une grâce octroyée par la grâce, ni de l'audace de qui gardait ainsi la parole plus longtemps qu'on avait coutume de le faire dans ce salon d'un ton si exquis. En effet, c'était le plus étincelant causeur de ce royaume de la causerie. Si ce n'est pas son nom, voilà son titre. Pardon, il en avait encore un autre. La médisance ou la calomnie, ces ménechmes, qui se ressemblent tant qu'on ne peut les reconnaître, et qui écrivent leur gazette à rebours, comme si c'était de l'hébreu, n'en est-ce pas souvent, écrivaient en égratignure qu'il avait été le héros de plus d'une aventure qu'il n'eût pas certainement ce soir-là voulu raconter. Les plus beaux romans de la vie, disait-il, quand je m'établis sur mes coussins de canapé, à l'abri des épaules de la comtesse de Damnaglia, sont des réalités qu'on a touchées du coude ou même du pied en passant. Nous en avons tous vu. Le roman est plus commun que l'histoire. Je ne parle pas de ceux-là qui furent des catastrophes éclatantes, des drames joués par l'audace des sentiments les plus exaltés, à la majestueuse barbe de l'opinion. Mais à part ces clameurs très rares, faisant scandale dans une société comme la nôtre, qui était hypocrite hier et qui n'est plus que lâche aujourd'hui, il n'est personne de nous qui n'ait été témoin de ces fêtes mystérieuses de sentiments ou de passions, qui perdent toute une destinée, de ces brisements de cœur qui ne rendent qu'un bruit sourd, comme celui d'un corps tombant dans l'abîme caché d'une oubliette, et par-dessus lequel le monde met ses mille voix ou son silence. On peut dire souvent du roman ce que Molière disait de la vertu. Où diable va-t-il se nicher? Là où on le croit le moins, on le trouve. Moi qui vous parle, j'ai vu dans mon enfance, non vu n'est pas le mot, j'ai deviné, pressenti, un de ces drames cruels, terribles, qui ne se jouent pas en public, quoique le public en voie les acteurs tous les jours. Une de ces sanglantes comédies, comme disait Pascal, mais représentée à huis clos, derrière une toile de manœuvre, le rideau de la vie privée et de l'intimité. Ce qui sort de ces drames cachés, étouffés, que j'appellerais presque à transpiration rentrée, est plus sinistre et d'un effet plus poignant sur l'imagination et sur le souvenir que si le drame dont tout entier s'était déroulé sous vos yeux. Ce qu'on ne sait pas centuple l'impression de ce qu'on sait. Me trompais-je? Mais je me figure que l'enfer, vu par un soupirail, devrait être plus effrayant que si, d'un seul et planant regard, on pouvait l'embrasser tout entier. Ici, il fit une légère pause. Il exprimait un fait tellement humain d'une telle expérience d'imagination pour ceux qui en ont un peu, que pas un contradicteur ne s'éleva. Tous les visages peignaient la curiosité la plus vive. La jeune Sibylle, qui était pliée en deux au pied du lit de repos où s'étendait sa mère, se rapprocha d'elle avec une crispation de terreur, comme si l'on eût glissé un aspic entre sa plate poitrine d'enfant et son corset. « Empêche-le, maman, dit-elle avec sa familiarité d'une enfant gâtée, élevée pour être une despote, de nous dire ces atroces histoires qui font frémir. »« Je me tairai si vous le voulez, mademoiselle Sibylle, répondit celui qu'elle n'avait pas nommé, dans sa familiarité naïve et presque tendre. » Lui, qui vivait si près de cette jeune âme, en connaissait les curiosités et les peurs, car pour toute chose, elle avait l'espèce d'émotion que l'on a quand on plonge les pieds dans un bain plus froid que la température, et qui coupe la laine à mesure qu'on entre dans la saisissante fraîcheur de son eau. Sibylle n'a pas la prétention que je sache d'imposer silence à mes amis, fit la baronne, en caressant la tête de sa fille, si prématurément pensive. Si elle a peur, elle a la ressource de ceux qui ont peur. Elle a la fuite, elle peut s'en aller. Mais la capricieuse fillette, qui avait peut-être autant d'envie de l'histoire que madame, sa mère, ne fuit pas, mais redressa son maigre corps, palpitant d'intérêt effrayé, et jeta ses yeux noirs et profonds du côté du narrateur, comme si elle se fût penchée sur un abîme. « Eh bien compté, dit mademoiselle Sophie de Rovistal, en tournant vers lui son grand œil brun baigné de lumière, et qui est si humide encore, quoiqu'il ait pourtant diablement brillé. « Tenez, voyez, ajouta-t-elle avec un geste imperceptible, nous écoutons tous. Et il raconta ce qui va suivre. Mais pourrais-je rappeler, sans l'affaiblir, ce récit nuancé par la voix et le geste, et surtout faire ressortir le contre-coup de l'impression qu'il produisit sur toutes les personnes rassemblées dans l'atmosphère sympathique de ce salon. J'ai été élevé en province, dit le narrateur, mis en demeure de raconter, et dans la maison paternelle. Mon père habitait une bourgade jetée nonchalamment les pieds dans l'eau, au bas d'une montagne, dans un pays que je ne nommerai pas, et près d'une petite ville qu'on reconnaîtra quand j'aurai dit qu'elle est, ou du moins qu'elle était, dans ce temps, la plus profondément et la plus férocement aristocratique de France. Je n'ai depuis rien vu de pareil. Ni notre faubourg Saint-Germain, ni la place Bellecour à Lyon, ni les trois ou quatre grandes villes, qu'on cite pour leur esprit d'aristocratie, exclusif et hautain, ne pourraient donner une idée de cette petite ville de 6000 âmes, qui avant 1789 avait 50 voitures armoriées, roulant fièrement sur son pavé. Il semblait qu'en se retirant de toute la surface du pays, envahie chaque jour par une bourgeoisie insolente, l'aristocratie se fût concentrée là, comme dans le fond d'un creuset, et y jeta, comme un rubis brûlé, le tenace éclat qui tient à la substance même de la pierre, et qui ne disparaîtra qu'avec elle. La noblesse de ce nid de nobles, qui mourront ou qui sont morts peut-être dans ces préjugés que j'appelle, moi, de sublimes vérités sociales, était incompatible comme Dieu. Elle ne connaissait pas l'ignominie de toutes les noblesses, la monstruosité des mésalliances. Les filles, ruinées par la Révolution, mouraient stoïquement vieilles et vierges, appuyées sur leurs écussons qui leur suffisaient contre tout. Ma puberté s'est embrasée à la réverbération ardente de ces belles et charmantes jeunesses, qui savaient leur beauté inutile, qui sentaient que le flot de sang qui battait dans leur cœur éteignait d'un carnat leurs joues sérieuses, bouillonnait vainement. Mes 13 ans, on rêvait les dévouements les plus romanesques, devant ces filles pauvres, qui n'avaient plus que la couronne fermée de leur blason pour toute fortune, majestueusement tristes, dès leur premier pas dans la vie, comme il convient à des condamnés du destin. Hors de son sein, cette noblesse, pure comme l'eau des roches, ne voyait personne. « Comment voulez-vous, disait-il, que nous voyions tous ces bourgeois dont les pères ont donné des assiettes aux nôtres ?» Ils avaient raison, c'était impossible, car pour cette petite ville, c'était vrai. On comprend l'affranchissement à de grandes distances, mais sur un terrain grand comme un mouchoir, les races se séparent par leur rapprochement même. Ils se voyaient donc entre eux, et ne voyaient qu'eux et quelques Anglais, car les Anglais étaient attirés par cette petite ville, qui leur rappelait certains endroits de leur comté. Ils l'aimaient pour son silence, pour sa tenue rigide, pour l'élévation froide de ses habitudes, pour les 4 pas qui la séparaient de la mer, qui les avaient apportés, et aussi pour la possibilité d'y doubler, par le bas prix des choses, le revenu insuffisant des fortunes médiocres dans leur pays. Fils de la même barque de pirates que les Normands, à leurs yeux c'était une espèce de continental England que cette ville normande, et ils y faisaient de longs séjours. Les petites misses y apprenaient le français en poussant leur cerveau sous les grêles tilleuls de la place d'armes, mais vers 18 ans elles s'envolaient en Angleterre, car cette noblesse ruinée ne pouvait guère se permettre le luxe dangereux d'épouser des filles qui n'ont qu'une simple dot, comme les Anglaises. Elles partaient donc, mais d'autres migrations venaient aussitôt s'établir dans leurs demeures abandonnées, et les rues silencieuses, où l'herbe poussait comme à Versailles, avaient toujours à peu près le même nombre de promeneuses à voile vert, à robe à carreaux et à plaid écossais. Excepté ces séjours en moyenne de 7 à 10 ans, que faisaient ces familles anglaises, presque toutes renouvelées à de si longs intervalles, rien ne rompait la monotonie d'existence de la petite ville dont il est question. Cette monotonie était effroyable. On a souvent parlé, et que n'a-t-on point dit, du cercle étroit dans lequel tourne la vie de province. Mais ici cette vie, pauvre partout en événements, l'était d'autant plus que les passions de classe à classe, les antagonismes de vanité, n'existaient pas comme dans une foule de petits endroits, où les jalousies, les haines, les blessures d'amour-propre entretiennent une fermentation sourde, qui éclate parfois dans quelques scandales, dans quelques noirceurs, dans une de ces bonnes petites scélératesses sociales, pour lesquelles il n'y a pas de tribunaux. Ici la démarcation était si profonde, si épaisse, si infranchissable, entre ce qui était noble et ce qui ne l'était pas, que toute lutte entre la noblesse et la roture était impossible. En effet, pour que la lutte existe, il faut un terrain commun et un engagement, et il n'y en avait pas. Le diable, comme on dit, n'y perdait rien sans doute. dans le fond du cœur de ces bourgeois dont les pères avaient donné des assiettes dans ces têtes de fils de domestiques, affranchis et enrichis, il y avait des cloques de haine et d'envie, et ces cloques élevaient souvent leur vapeur et leur bruit d'égout contre ces nobles qui les avaient entièrement sortis de l'orbe, de leur attention et de leur rayon visuel, depuis qu'ils avaient quitté leur livrée. Mais tout cela n'atteignait pas ces patriciens distraits dans la forteresse de leurs hôtels, qui ne s'ouvraient qu'à leurs égaux, et pour qui la vie finissait à la limite de leur caste. Qu'importait ce qu'on disait d'eux plus bas qu'eux? Ils ne l'entendaient pas. Les jeunes gens qui auraient pu s'insulter, se prendre de querelles, ne se rencontraient point dans les lieux publics, qui sont des arènes chauffées à rouge par la présence et les yeux des femmes. Il n'y avait pas de spectacle. La salle manquant, jamais, ils le passaient de comédiens. Les cafés, ignobles comme des cafés de province, ne voyaient guère autour de leurs billards que ce qu'il y avait de plus abaissé parmi la bourgeoisie, quelques mauvais sujets tapageurs et quelques officiers en retraite, débris fatigués des guerres de l'Empire. D'ailleurs, quoique enragé, d'égalité blessé, ce sentiment qui à lui seul explique les horreurs de la Révolution, ces bourgeois avaient gardé malgré eux la superstition des respects qu'ils n'avaient plus. Le respect des peuples ressemble un peu à cette sainte ampoule, dont on s'est moqué avec une bêtise de tant d'esprit. Lorsqu'il n'y en a plus, il y en a encore. Le fils du bimbelotier déclame contre l'inégalité des rangs, mais seul il n'ira point traverser la place publique de sa ville natale, où tout le monde se connaît, et où l'on vit depuis l'enfance, pour insulter de gaieté et de cœur, le fils d'un clamorgan taillefert, par exemple, qui passe donnant le bras à sa sœur. Il aurait la ville contre lui. Comme toutes les choses haïes et enviées, la naissance exerce physiquement sur ceux qui la détestent une action qui est peut-être la meilleure preuve de son droit. Dans les temps de révolution, on réagit contre elle, ce qui est la subir encore. Mais dans les temps calmes, on la subit tout au long. Or, on était dans une de ces périodes tranquilles, en 1820 quelque chose. Le libéralisme qui croissait à l'ombre de la charte constitutionnelle comme les chiens de la lice grandissaient dans leur chenil d'emprunt, n'avait pas encore étouffé un royalisme que le passage des princes, revenant de l'exil, avait remué dans tous les cœurs jusqu'à l'enthousiasme. Cette époque, quoi qu'on ait dit, fut un moment superbe pour la France, convalescente monarchique, à qui le couperet des révolutions avait tranché les mamelles, mais qui, pleine d'espérance, croyait pouvoir vivre ainsi et ne sentait pas dans ses veines les germes mystérieux du cancer, qui l'avait déjà déchiré, et qui plus tard devra la tuer. Pour la petite ville que j'essaie de vous faire connaître, ce fut un moment de paix profonde et concentrée. Une mission qui venait de se clore avait dans la société noble engourdi le dernier symptôme de la vie, l'agitation et les plaisirs de la jeunesse. On ne dansait plus, les bals étaient proscrits comme une perdition. Les jeunes filles portaient des croix de mission sur leurs gorgerettes et formaient des associations religieuses sous la direction d'une présidente. On tendait au grave à faire mourir de rire si l'on avait osé. Quand les quatre tables de whist étaient établies pour les douairières et les vieux gentilshommes, et les deux tables d'écarté pour les jeunes gens, ces demoiselles se plaçaient, comme à l'église, dans leur chapelle, où elles étaient séparées des hommes, et elles formaient dans un angle du salon un groupe silencieux, pour leur sexe, car tout est relatif, chuchotant au plus quand elles parlaient, mais bâillant en dedans à se rougir les yeux, et contrastant par leur tenue un peu droite avec la souplesse pliante de leur taille, le rose et le lilas de leur robe, et la folâtre légèreté de leurs pèlerines de blonde et de leurs rubans.